عند الطبيب. هل يوجد طبيب بالقرب من هنا؟ Y a-t-il un médecin près d'ici? لقد أغمى عليها. Elle s'est évanouie. هل عندكم ضمادات؟ Avez-vous des bandages? عندها حرارة. Elle a de la fièvre. إني أسعل كثيرا. Je tousse beaucoup. ما هي أتعابك يا دكتور؟ كم تريد؟ Quels sont vos honoraires, docteur? Je vous dois...